franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, voyage au bout du monde, c'est le cas de le dire, dans l'un des endroits les plus reculés et les plus hostiles de la planète, l'Antarctique. Et nous voici embarqués dans une aventure sur les traces de ces navigateurs, explorateurs, missionnaires ou encore scientifiques, qui depuis 200 ans déjà participent à la formidable conquête de ce territoire, celui qu'on appelle le sixième continent. Cette histoire, aujourd'hui encore méconnue, possède pourtant un caractère hautement sensible. C'est en effet ici que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des nations vont surmonter leurs désaccords pour un projet commun intitulé Vostok. Un projet qui consiste à percer la glace pour découvrir les secrets de notre planète et notamment concernant le climat dont on connaît les enjeux si importants aujourd'hui. Après le récit, pour revenir avec nous sur cette histoire dont il fut l'un des acteurs, nous avons invité le professeur Jean-Robert Petit, directeur de recherche au laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement à Grenoble. En compagnie de son mentor, le professeur Claude Lorius, il a participé à des forages qui ont contribué à la production du premier enregistrement climatique couvrant les derniers 400 000 ans. Jean-Robert Petit est l'auteur d'un livre intitulé « Projet Vostok, le dernier secret de l'Antarctique » paru aux éditions Poulsen en 2012. Il sera avec nous en duplex dans les studios de France Bleu Besançon que nous remercions pour leur accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Caroline Dobray, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'histoire de l'homme est celle d'une lutte constante pour aller des ténèbres vers la lumière. Nulle part les mystères de l'inconnu ne furent plus déconcertants que sur les terres antarctiques, théâtre des luttes les plus farouches parmi celles qui furent livrées pour la connaissance de notre monde. À l'extrémité sud de la Terre, les plus vastes océans bordent un continent isolé, l'Antarctique, séparé de son plus proche voisin par près de 1000 km de mer glacée. Ici, le rivage est différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Des bancs de glace s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la mer, cachant la surface de la Terre, se dressant comme une muraille face aux navires qui en approchent. Sur cette Terre n'abritant aucune population humaine, vivent des colonies de manchots. Ces glaciers et ces montagnes couvrent une superficie légèrement supérieure à celle de l'Europe. C'est le continent le plus élevé du monde. Une terre qui excita l'imagination de l'homme des siècles avant qu'on ne puisse l'aborder. Et c'est au début du 19e siècle, après une succession d'échecs et de campagnes d'exploration infructueuses, que l'homme pose enfin le pied sur le sixième continent, une terre qu'il baptisera bientôt Antarctique. Depuis l'Antiquité, en effet, nombreux étaient les navigateurs qui présumaient son existence. Depuis des siècles, nombreux étaient les cartographes qui esquissaient à la hâte son contour sur des planisphères. Mais personne n'imaginait que la rencontre entre ce territoire inconnu et l'homme serait à ce point brutale. Car derrière cette apparente beauté blanche, derrière cette immensité glacée et silencieuse, se cache un univers hostile aux explorateurs. Ici, en effet, les vents violents soufflent à plus de 200 km/h. Les températures descendent jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Et enfin, la nuit polaire fait disparaître avec elle le soleil pendant 6 mois. Bienvenue au paradis. Premier constat. Qu'ils soient russes, anglais ou américains, les premiers hommes qui foulent cette immensité glacée le font avec un équipement qui nous semblerait aujourd'hui parfaitement dérisoire. Leurs vêtements et leurs chaussures sont en peau d'animaux, bien sûr, et bien souvent du phoque ou du renne. Leur seul moyen de transport est le ski ou le traîneau à chien. Comme seul instrument d'orientation, ils ne disposent que d'une simple boussole. Pourtant déjà, leur objectif est celui qui animera toutes les campagnes d'exploration à venir. ils doivent affronter la neige et le brouillard pour tenter de rejoindre, à plusieurs centaines de kilomètres de là, le cœur géographique du continent blanc, le centre du pôle sud. Car l'Antarctique, comme sa cousine avant elle, l'Arctique, se transforme vite en un enjeu de fierté nationale. Chaque pays veut être le premier à y planter son drapeau et à y laisser son empreinte. En 1909, l'expédition de l'anglais Shackleton réussit à s'approcher à moins de 150 km du point le plus au sud, frôlant ainsi de peu l'exploit, mais également la mort. Dans cette lutte d'égo national, ce sont finalement les Norvégiens, sous la houlette du célèbre Amundsen, qui inscrivent leur nom dans l'histoire et plantent leur drapeau sur le pôle sud, eux qui sont des voisins du pôle nord. Nous sommes alors en 1911. À la même période, l'homme s'installe progressivement sur le littoral de cet immense continent. On compte ainsi bientôt un peu plus d'une dizaine de petites bases permanentes. Et comme l'explique l'explorateur français André-Franck Lyotard, la conquête des terres antarctiques connaît alors un vif intérêt partout à travers le monde. Depuis le début de ce siècle, plusieurs nations ont été intéressées à y faire des expéditions. Les Anglais, les Norvégiens, les Français, les Argentins, les Chiliens et aussi les Allemands. Je puis même dire, relisant la liste complète des expéditions qui ont pris place dans l'Antarctique depuis 1900, qu'il ne s'est pas passé une seule année sans qu'il y ait soit des navires qui se dirigent vers l'Antarctique, soit qu'il y ait des hommes à terre. C'est donc dire que, depuis le début de ce siècle, on attache une très grande importance, tant du point de vue stratégique que du point de vue scientifique, à l'étude de ce continent. Parmi les pays qui possèdent un bout de territoire sur cet immense continent glacé, il y a la France. Grâce aux expéditions de Jules Dumont d'Urville et de Jean-Baptiste Charcot, notre pays fait partie des pionniers dans l'exploration des terres australes. Une position qui lui permet de revendiquer et d'obtenir, côté océan Indien, une fine bande de terre longue d'un peu plus de 2500 km et délimitée par des longitudes de deux fuseaux horaires. Elle se nomme Terre Adélie. Un territoire exigu en largeur, mais dont la superficie atteint tout de même deux tiers de celle de l'Hexagone. Précieux à bien des titres, ce lopin perdu au pôle sud doit servir de camp de base pour les futures expéditions tricolores. Au même moment, en 1929, intervient l'un des tournants majeurs dans la conquête de l'Antarctique. Cette année-là, en effet, les Américains mettent sur pied l'une des premières expéditions modernes. Grâce à l'utilisation d'un avion à hélice, l'un de leurs équipages rejoint l'extrême sud géographique du continent. Le pilote Richard Byrd devient ainsi le premier homme à survoler le cœur de l'Antarctique. Une réussite directement liée à l'importance des moyens humains et matériels déployés par les États-Unis. Sur la base américaine McMurdo, située sur la rive sud du continent, on installe plusieurs centaines de personnes, des moyens de télécommunication radio et même des bâtiments préfabriqués. Une débauche qui marque le point de départ d'une nouvelle période de la conquête de l'Antarctique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour permettre à la France de maintenir ses ambitions en matière de recherche scientifique, un homme de 40 ans, ethnologue et explorateur, Paul-Émile Victor, convainc le gouvernement d'organiser des expéditions scientifiques au Groenland, en Arctique, mais également en Terre Adélie, en Antarctique. Et c'est ainsi que sous l'œil des caméras de l'ORTF, les premières campagnes des expéditions polaires françaises, fierté nationale, quittent les ports bretons pour partir à l'assaut des immensités glacées du pôle sud. À Brest, 17 membres des expéditions polaires françaises se sont embarqués à bord du commandant Charcot à destination de la Terre Adélie pour relever l'équipe qui a assuré durant la période d'hivernage l'installation de la base. Ces 17 hommes vont poursuivre pendant une année, de février 51 à février 52, les recherches scientifiques commencées il y a un an déjà par les expéditions polaires au cœur du continent antarctique. La présence de la France en Terre Adélie continue à être assurée. Au début des années 50, ces premières missions françaises en Terre Adélie poursuivent plusieurs objectifs. D'abord, il s'agit d'acheminer sur place des équipes et du matériel pour développer le camp de base de Dumont d'Urville. Et puis, ces expéditions embarquent avec elles des scientifiques dont le rôle est de réaliser sur place les premières observations météorologiques, géophysiques et glaciologiques. Une fois sur place, les savants constatent vite que l'ampleur de leur tâche est immense et que ce n'est pas en restant cloisonnés sur leur base et dans leur laboratoire de recherche qu'ils vont déboucher sur des résultats concrets. Pour la communauté scientifique, dans chacun des pays concernés, s'impose alors l'idée d'un effort global de coopération. Sur l'antenne de l'ORTF, le chef des missions des expéditions polaires françaises, Paul-Émile Victor, rappelle l'envergure de ce territoire continent et souligne aussi ce qu'il doit aux Américains. Vous connaissez bien le pôle Sud, Paul-Émile Victor. Combien de fois avez-vous été là-bas? Oh, j'ai été là-bas 3 fois maintenant, mais quant à bien connaître le pôle Sud, ma réponse sera négative. Vous savez que l'Antarctique est un continent qui est 25 fois plus grand que la France. Par conséquent, pour bien connaître l'Antarctique, il faudrait connaître plusieurs un pays... Il faudrait connaître un pays qui est plus grand que les États-Unis et l'Europe ensemble. 3 fois, 2 fois en Terre Adélie, cette année, j'en reviens. Il y a 3 ans, quand je suis allé installer mon camarade Guillard. Et il y a 2 ans, dans le secteur néo-zélandais, où j'étais avec mon ami Ed Hillary, avec l'expédition antarctique américaine. Je représentais la France. Expédition qui, alors, à cette occasion-là, a pu me... faire plusieurs vols au-dessus du pôle Sud et au-dessus de ces chaînes de montagnes qui sont absolument extraordinaires. Jusque-là objet d'une simple compétition territoriale, le continent antarctique bascule au milieu des années 50 pour devenir le lieu d'une collaboration scientifique jamais atteinte. Une ambition qui trouvera un cadre sous l'égide de l'année de géophysique internationale. Coopérer scientifiquement sur l'Antarctique, l'idée paraît simple sur le papier. Mais en plein contexte de guerre froide, elle semble juste inenvisageable. Comment, en effet, des chercheurs soviétiques et américains vont-ils pouvoir travailler de concert et échanger leurs informations quand, au même moment, leurs deux pays se livrent à une guerre indirecte sur les 5 autres continents? Comment acquérir cette confiance mutuelle alors que chacun des deux camps s'espionne et se surveille dans la course à l'espace, l'autre grand défi de cette époque audacieuse? À Washington, sous l'égide du Conseil scientifique international, on réfléchit déjà depuis plusieurs années à la mise en place d'une 3e année polaire internationale qui prendrait cette fois la forme d'année géophysique internationale. L'idée est de proposer une trêve mondiale pour la recherche et donner un élan supplémentaire aux scientifiques sur place. Dans les grandes lignes, il s'agit de rêver un autre monde. Plus prosaïquement, il s'agit de coopérer et de partager ces informations, comme l'exclut d'ailleurs ce chercheur français au micro de la RTF. Nous allons, dans quelques heures, être au 1er juillet, quand minuit sonnera, marquant en même temps 0 heure. Quelles opérations, monsieur l'inspecteur général, vont-elles être déclenchées dans les différentes parties du monde? Plusieurs dizaines de milliers d'observateurs prendront alors une longue veille de 18 mois. Ces observateurs appartiennent à une 60aine de pays différents, c'est-à-dire la quasi-totalité des pays du monde, et ils sont répartis dans 1200 observatoires. À vrai dire, ils ne vont pas rester pendant 18 mois l'œil collé à leurs lunettes ou à l'oculaire de leur spectrographe, mais ils entreprendront l'exécution d'un programme qui a été minutieusement mis au point au cours des 4 dernières années. Ce programme comporte des séries d'observations régulièrement réparties dans le temps. Par exemple, en météorologie, ce sera tous les quarts d'heure, dans certains cas, ou toutes les heures, ou toutes les 4 heures. Dans d'autres cas, ce seront des enregistrements continus, par exemple pour le magnétisme, sur des appareils appropriés. Dans les mois qui précèdent l'année géophysique, là-bas en Antarctique, Américains, Français et Soviétiques sont installés sur 3 bases. McMurdo, Dumont-d'Orville et Mirny. Et à la surprise de nombreux observateurs, la dynamique des échanges s'enclenche déjà. On communique par radio, on se rend visite, on partage des pièces de rechange ou des produits de consommation. Mais du point de vue de la notoriété internationale, ce n'est pas l'idéal, car si de leur côté, les États-Unis possèdent une base avancée au pôle sud géographique, si la France en a une au pôle sud magnétique, l'URSS, elle, reste en retrait avec une seule grande base proche de la côte. Pour y remédier, les Soviétiques décident de se lancer dans un pari fou, construire une base d'exploration au pôle sud géomagnétique, un endroit extrêmement difficile d'accès et situé à plus de 1400 km à l'intérieur des terres et surtout à plus de 3000 mètres d'altitude. Pour vous donner un ordre d'idée, de nombreux scientifiques estiment alors que se rendre au pôle sud géomagnétique de l'Antarctique équivaut à gravir un nouvel Everest. Durant l'été polaire 1957, les reconnaissances par voies aériennes se multiplient vers l'intérieur du continent. Et les semaines passent, quand enfin, le matin du 8 octobre, les 6 autochenilles sur lesquelles flotte fièrement le drapeau rouge de l'Union soviétique quittent la base de Mirny pour se rendre au cœur du continent blanc. À leur bord, une vingtaine d'hommes ont pris place, prêts à affronter les pires conditions sur Terre et à réussir, au nom de Lénine, ce pari insensé. Après un départ sous le soleil austral, l'expédition rencontre vite ses premiers problèmes. Tout d'abord le blizzard qui rend impossible toute visibilité. Puis alors qu'il tente de continuer son périple, le convoi fait face à des remparts de neige molle sur lesquels les engins dérapent et parfois s'enlisent. Après 15 jours d'aventure, l'équipage soviétique emmené par l'ingénieur Tretnikov se rend compte qu'il n'a parcouru que 300 km sur les 1400 théoriques ou prévus. Autrement dit, le voyage s'annonce encore plus long. Et tant du côté des hommes que du côté du matériel, les ennuis se succèdent. Certains des véhicules tombent en panne et doivent être abandonnés avec leur équipement. De leur côté, les hommes de l'expédition souffrent du froid, évidemment. Certains toussent, d'autres ont les articulations douloureuses, quelques-uns même ne sentent plus leurs pieds. Alors, Tretnikov s'interroge. Est-il possible de continuer? Est-il possible d'aller vivre et travailler dans un endroit pareil? Doit-il faire demi-tour pour sauver ses hommes? Quoi qu'il choisisse, sa décision sera lourde de conséquences. Finalement, après plusieurs heures de réflexion, il réunit ses hommes et les convainc de continuer. Après plusieurs semaines de voyage dans des conditions dantesques, les équipages soviétiques arrivent enfin à la base intermédiaire de Komsomolskaya, ultime étape avant d'affronter le pôle sud géomagnétique. Et là, il constate que le thermomètre affiche 74,5 degrés Celsius. Moins, évidemment. Un record absolu. Quelques jours plus tard, malgré l'épuisement, ils repartent pour affronter les 250 derniers kilomètres qui les séparent de leur destination. Et le 16 décembre, à 7h du soir, après 68 jours de voyage, Tretnikov et ses 27 hommes atteignent enfin le pôle sud géomagnétique à plus de 3400 mètres d'altitude. Sur un pylône que l'on installe à la hâte, ils accrochent le drapeau rouge de l'Union soviétique. Désormais, l'URSS a pris position sur la base continentale la plus reculée de l'Antarctique, un endroit qui portera le nom de station Vostok. Dans les semaines qui vont suivre, ces pionniers vont observer le ciel et sonder la Terre depuis le point le plus lointain et le plus froid de la planète. C'est un exploit. Mais un exploit très vite occulté par une autre réussite, celle de la traversée du continent d'une expédition britannique. Traversée de l'Antarctique de part en part en passant par le centre du continent, tel était le cahier des charges que s'était fixé l'explorateur néo-zélandais Hillary et son compagnon britannique Fuchs. Une opération jamais tentée depuis l'expédition norvégienne d'Amundsen au début du XXe siècle, car considérée par beaucoup comme suicidaire. Mais contrairement à leurs prédécesseurs, les deux hommes et leurs accompagnants bénéficient de nouveaux moyens techniques. Leur motoneige remplace les chiens à traîneau, et grâce à elle, ils vont réussir au nom de la couronne et du Commonwealth la traversée continentale de l'Antarctique. Mais cet exploit s'accompagne aussi d'une formidable opération de recherche. Non content d'accumuler de précieuses données, notamment en sismologie et en gravimétrie, tout au long de leur parcours, les explorateurs sonderont le point le plus éloigné sur le pôle sud pour connaître son épaisseur et ainsi prouver l'existence d'un continent sous la neige. Interrogé par téléphone, le chef des expéditions polaires françaises, Paul-Émile Victor, confirme qu'il s'agit là d'un immense succès pour la science et pour la recherche. Allô, Paul-Émile Victor ? Oui ? Je voudrais tout d'abord vous demander si vous estimez que cette expédition a une signification en ce qui concerne ce que nous appellerons la technique polaire. Eh bien, sans aucun doute, oui, une très grande signification. Vous savez que avant Fuchs, deux projets de traversée de l'Antarctique il y a 40 et 50 ans, en particulier le projet de Shackleton, n'a pas réussi. Sur le plan de la technique polaire, à part, bien entendu, ce que l'on pourrait appeler des grandes opérations militaires dans les zones polaires, c'est-à-dire dans le plan des expéditions polaires normales, comme par exemple les nôtres, c'est un des plus grands succès de la technique polaire moderne. Les Anglais ont donc réussi à traverser le continent de part en part, en passant par son centre géographique. Les Russes sont désormais installés sur le point le plus reculé de l'Antarctique, le pôle sud géomagnétique, un endroit sur lequel ils ont établi une base, Vostok. Les Américains, eux, réalisent des survols et cartographient le relief de l'intérieur du continent. Quant aux Français, ils multiplient les initiatives scientifiques sur place. Voilà l'année 1958, qui, rappelons-le, doit être celle de géophysique internationale, s'annonce donc très riche. Et on va le voir. Malgré la guerre froide, soviétiques, américains, anglais et français vont mettre de côté leurs différends pour travailler ensemble sur une mission de recherche jamais tentée par l'homme afin de percer sous la glace les secrets de notre climat. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet up. My neighbor waved to me, but my neighbor is my enemy. I kept waving my arms till I could not see, under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low under 15 feet? Et puisque ce soir nous sommes dimanche et que nous avons peut-être un peu plus de temps dans notre émission, nous allons tenter deux liaisons extrêmement lointaines et extrêmement difficiles, l'une et l'autre avec le pôle sud. Alors si vous le voulez, nous allons tout de suite appeler le pôle sud pour avoir des nouvelles du fameux raid de Fuchs et Hillary. Could you tell me if you've contacted by any chance any one of the Antarctic bases? Alors, il n'a pas pu contacter les autres lieux, mais il a Marble Point en ce moment. Can you pass us on to Marble Point? Yes, just hold on one please, here we go. Okay, anytime you like. Attention, nous allons avoir Marble Point. Father Lenehan. Père Lenehan, s'il vous plaît. Can you hear me, Father? Yes, well, the atmospheric conditions here at present. Le ciel est très bas, empêchant l'envol d'un avion, surtout d'un petit modèle tel que celui employé par les Néo-Zélandais. Il ne neige pas sur place, mais il est probable qu'à 10 miles de là, il est en train de neiger. Le vent 3 nœuds et la température 3-0 Fahrenheit. Allô, Père Lenahan? Father Lenahan, RTF Paris French Radio sends its best wishes, envoie tous ses voeux à Marble Base. À la fin de l'année 1958, les scientifiques installés à Vostok, la base soviétique située au pôle sud géomagnétique du continent antarctique, livrent des premiers résultats d'études encourageants. Grâce à sa position, la station d'observation permet de relever les variations du champ magnétique terrestre et les aurores australes. Elle donne aussi accès à un cadre exceptionnel pour observer l'atmosphère et analyser les conditions météo. Des données qui doivent permettre aux scientifiques d'étudier minutieusement le temps et le climat. Sur place, jour après jour, le travail des chercheurs suit le même rituel. 4 fois par tranche de 24 heures, et à des moments précis, ils observent les changements de pression atmosphérique, de température et d'humidité de l'air, ainsi que l'évolution du vent. D'autres appareils permettent de mesurer l'action des radiations solaires sur les surfaces enneigées. Grâce à ces premiers résultats, le continent antarctique livre enfin à l'homme ses secrets géophysiques. Mais il en reste un qui semble encore bien difficile à percer. Celui qui se trouve juste sous leurs pieds, la calotte glaciaire. Pour y parvenir, les chercheurs soviétiques vont devoir compter sur l'aide des Français et même sur celle des Américains. Au même moment, alors que les scientifiques s'activent sur le continent blanc, les différentes nations qui participent aux recherches se mettent d'accord pour donner à l'Antarctique un traité qui vient concrétiser sur le long terme ses espoirs de collaboration scientifique, comme l'explique l'envoyé spécial de France Inter, Pierre Crenès, aux États-Unis. La première conférence internationale sur l'Antarctique s'est ouverte ce matin à 11h dans l'auditorium du département de l'Intérieur à Washington. L'Antarctique, a déclaré M. Hunter dans son allocution inaugurale, doit être exclusivement utilisé à des fins pacifiques. L'Antarctique, ajoute le secrétaire d'État, ne doit pas devenir un objet de conflit politique et il devrait être ouvert à la poursuite de travaux scientifiques. 13 personnalités représentent les États-Unis et 14 l'URSS, dont son ministre des Affaires étrangères adjoint, M. Koutsena. Dans les années qui suivent la signature du traité de l'Antarctique, l'effort de collaboration se poursuit. Paradoxe de l'histoire, alors qu'en octobre 1962, la crise des missiles de Cuba fait trembler l'équilibre du monde et ravive la confrontation entre l'Est et l'Ouest, là-bas, sur les immensités glacées du continent blanc, une équipe de chercheurs américains va s'installer sur une base soviétique. La vingtaine d'hommes va vivre ensemble à Vostok en complète autarcie pendant plusieurs mois pour échanger des données et perfectionner ses techniques d'analyse de la glace. À l'entrée de la station, accrochés sur le même pylône, on aperçoit une multitude de petits drapeaux. Il y a celui des Français, des Tchèques, des Allemands de l'Est, des Soviétiques bien sûr, et désormais celui des États-Unis. Preuve que ce qui se joue ici dépasse de loin les clivages partisans. Ils avaient rêvé d'un autre monde, à la fois dans le symbole et dans le réel, ils l'ont. Dimanche 26 janvier 1964, il est un peu plus de 15h. Aujourd'hui, le vent souffle sur la station Vostok. De son côté, le thermomètre indique moins 45 degrés. Au bout de la piste d'atterrissage, aménagée sur la glace, se pose alors un énorme avion militaire. Sur sa dérive, on distingue l'étoile rouge soviétique. Pourtant, les hommes qui en descendent ne sont pas des militaires, non. Ce sont des scientifiques, et plus précisément des glaciologues. Et ils sont français. Ils sont là pour mettre sur pied un programme commun de recherche et creuser sous la glace. Les ingénieurs français sont en effet persuadés qu'en forant le continent antarctique à de très grandes profondeurs, on peut extraire des informations relatives au passé climatologique de notre planète, comme d'immenses archives à faire rougir Lina, notre partenaire depuis 2 ans et demi, que je salue au passage. Plus sérieusement, écoutez les explications du professeur Claude Lorius, l'un des grands artisans de cette coopération scientifique. Il tombe chaque année dans les régions polaires quelques centimètres de neige. Et ces calottes polaires ont plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Ce qui fait qu'elles sont constituées par des couches qui se sont accumulées depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Alors comment, dans une carotte comme celle-là, vous pouvez déduire la température qu'il a fait il y a 10, 20 ou 30 000 ans? Eh bien, pour vous résumer les choses simplement, disons que la composition de cette carotte est directement liée à la température qu'il faisait au moment où la neige s'est déposée dans les calottes polaires. Mais faute de moyens techniques, les premiers forages français en terre Adélie tournent au désastre. À l'inverse, les Russes possèdent l'expertise dans ce domaine et ils disposent surtout d'une base, la fameuse base Vostok, tellement bien située sur la calotte glaciaire. Entre soviétiques et français, se scelle alors une alliance qui va durer des décennies et qui repose sur le principe suivant. Les Russes forent les profondeurs du continent antarctique aussi loin que possible. Les Français, eux, récupèrent les échantillons pour les analyser dans leur laboratoire. Et ensuite, c'est logique, on partage les résultats. Année après année, les campagnes d'exploration françaises sur la base russe de Vostok se poursuivent. Notamment après qu'on découvre à proximité de la station un endroit appelé le Dôme C, où les forages peuvent atteindre une profondeur de plus de 2000 mètres. Pour se rendre sur place, les Français vont pouvoir compter sur un fantastique esprit de coopération internationale, comme le confirme leur chef de mission, Claude Lorius. Et l'objectif, c'était d'aller faire un trou dans la glace à ce point que l'on appelle le Dôme C, un trou d'environ 1000 mètres de profondeur. Pour cela, on a quitté la Nouvelle-Zélande, 3000 km jusqu'à la base américaine de McMurdo. De là, toujours avec le support des avions américains, 1000 km pour rejoindre le Dôme C, et nous sommes aussi à 1000 km de la base française de Dumont-d'Urville. Dans un endroit, je suppose, totalement isolé et où les conditions de travail sont très difficiles. Oui, bien sûr, il n'y a personne dans ce site. Je pense qu'on peut illustrer les conditions de travail par quelques chiffres. L'altitude est 3200 mètres, la température moyenne sur l'année de l'ordre de moins 54 degrés centigrades. Quel est l'intérêt scientifique de ce site ? Bien, je vous l'ai dit, ce que l'on voulait faire, c'était donc réaliser un trou dans la glace pour ramener des échantillons de neige. Des avions américains qui déposent des scientifiques français sur une base russe, il ne fallait retenir qu'une seule image, et pour l'image de toute cette aventure Vostok, ce serait celle-là. Et le travail continue, on creuse, et on réussit à extraire des carottes glaciaires de plus de 120 000 ans, des éléments climatiques extrêmement précieux qui vont permettre de reconstituer en laboratoire le passé climatologique de notre planète. Et en arriver à la conclusion que depuis le 19e siècle et la révolution industrielle, le climat de la Terre se réchauffe. C'est donc à partir de ces observations scientifiques que se base tout le débat sur le réchauffement climatique qui génère les conséquences économiques et humaines que l'on connaît aujourd'hui et qui mobilise désormais tant d'énergie pour sauver la planète. Sur la grève me rend. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le projet Vostok, notre invité Jean-Robert Petit. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement à Grenoble, en compagnie de celui que j'ai appelé votre mentor, vous me direz ce que vous en pensez, le professeur Claude Lorius. Vous avez participé à ces forages qui ont contribué à la production du premier enregistrement climatique couvrant les derniers 400 000 ans. Vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé Vostok, le dernier secret de l'Antarctique, paru aux éditions Paulsen en 2012. Et je rappelle également que vous êtes en duplex dans les studios de France Bleu Besançon. Voilà. Alors, dites-moi, à quoi ressemble aujourd'hui la recherche sur le pôle sud et en quoi est-elle différente de ce que vous avez connu, vous, il y a 30 ans ? Alors, il y a 30 ans, évidemment, les conditions étaient assez dures pour travailler à Vostok. Claude Lorius l'a dit, là, le problème de l'altitude, le froid et surtout le confort était vraiment minimum. L'eau, il fallait la faire à partir de la neige. Et il y avait des corvées pour cela. On se lavait tous les 10 jours. Et les communications radio étaient vraiment très limitées. Nos messages devaient passer par Moscou avant d'atteindre Grenoble. Et les communications radio n'étaient pas toujours aisées. Donc c'était un petit peu un temps, on va dire, héroïque. Ah oui. Et notre travail à l'époque était limité à la sélection, à l'empaquetage des carottes de glace. Donc c'était un travail plus de manutentionnaire. On ne pouvait pas faire vraiment de science sur place. Et comment aujourd'hui les conditions de travail dans des bases comme celle de la base franco-italienne de Concordia, elles sont semblables à celles d'un laboratoire en métropole avec tout le confort, les communications satellites, Internet, et donc on peut réellement faire de la science véritable sur le terrain. Alors côté aventure humaine, on va parler après scientifiquement de ce qu'on fait aujourd'hui. Comment arriviez-vous à vous protéger du froid ? Et pour le coup, c'est pas un détail. Hein. On a avancé des températures de moins 50 jusqu'à moins 70. C'est oui. Parfaitement humain. Oui, Vostok détient le record du froid avec moins 89. Moins 89. Mais on avait de la chance, on venait en été uniquement, un petit peu comme des touristes. Et au maximum, le 21 décembre, là c'est le solstice, aujourd'hui, il doit faire moins 30. Non, mais il fait chaud presque. Quand il n'y a pas de vent, c'est très supportable. Mais bien sûr, on doit se protéger. Mais dans le laboratoire, il fait en permanence moins 30. Mais l'air est extrêmement sec et le pouvoir refroidissant de l'air est moindre que si vous êtes près de la mer. Donc, c'est très supportable. Avec les équipements, les vêtements modernes, c'est possible de travailler. Bien. Alors, que fait-on aujourd'hui sur cette base, à cet endroit ? Droit par rapport à ce qu'on faisait il y a 30 ans. Et il y a même plus que 30 ans d'ailleurs. Alors, à Vostok, les Russes continuent à forer et ils ont donc les. Le projet d'atteindre le lac sous-glaciaire, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec donc. L'objectif d'étudier les eaux de ce lac et peut-être trouver de la vie qui existe dans ce lac. Voilà, ça c'est pour Vostok. Alors, on va revenir effectivement à ce qu'on fait aujourd'hui, notamment à la finalité de ce qu'on fait. Parmi les noms des personnes que nous avons évoquées dans le récit, il y a bien sûr celui de Claude Lorius, glaciologue. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui l'a conduit à aller à Vostok et surtout à entreprendre les premiers forages? Je veux dire, la question qu'il y a sous la question, c'est savait-il déjà qu'on pourrait étudier les variations du climat? Oui, parce que en 1970, quand Claude Lorius, qui venait de Paris, rejoignait le labo de Grenoble, on savait déjà, il y avait deux forages qui avaient été réalisés, un au Groenland, l'autre en Antarctique, par un labo américain, le CREL. Et on savait que donc qu'en forant, on pouvait remonter, disons, dans le passé. avec le forage en 1978 au Dôme C, donc qui a été réalisé avec donc l'aide des Américains, on avait atteint 30 000 ans en forant à 1000 mètres de profondeur, 900 mètres exactement. Et pendant ce temps-là, donc, les Russes forent à Vostok. Vostok, c'est à 600 km de Dôme C. Les conditions sont semblables. Et ils ont annoncé qu'ils avaient atteint 2000 mètres de profondeur. Et si vous voulez... On peut le traduire en année ? Est-ce qu'on peut traduire comme ça la profondeur en année jusqu'auquel on peut aller en rechercher? C'est au moins le double. On pouvait espérer à peu près à 100 000 ans d'archives. Mmh. 100 000 ans d'archives. Mmh. Et en fait, Lorius propose à ses collègues et puis aux Russes une collaboration pour l'étude de la carotte de Vostok. À Grenoble, on avait développé des techniques d'analyse fine pour reconstituer les températures, pour la chimie, mais surtout pour analyser les bulles d'air et déterminer la composition de l'air et en particulier la teneur en CO2. Alors en gros, si vous voulez, les Russes avaient un énorme trésor représenté par les carottes qui est dans un coffre-fort et Lorius est venu avec les clés pour ouvrir le coffre-fort et puis faire parler les carottes. C'était ça et le deal c'était donc que on travaillait ensemble et les résultats seraient publiés ensemble. Alors oui, pardon, je vous ai coupé ou... Non. Oui, je voulais dire que le grand tour de diplomatie de Lorius, il faut le reconnaître à ce moment-là, c'était de convaincre les Américains de transporter en avion, donc en 1984, trois Français pour les emmener donc à la base de Vostok pour que nous étudions cette carotte. Et ensuite, on a quand même maintenu cette collaboration. Et après les résultats fulgurants donc qu'ont apporté cette campagne, eh bien les Américains qui ont été exclus dans la première, enfin c'était un peu fait à leur barbe, ont demandé à être inclus dans la collaboration sur la carotte de Vostok et ils ont intégré cette collaboration en 89. Alors, tout le monde est réuni, enfin les principaux. Anecdote, je crois hein, que ce serait lors d'un hivernage en Terre Adélie, justement, à l'heure de l'apéritif, que Monsieur Lorius aurait pris conscience de la possibilité d'étudier le gaz enfoui dans la glace. Ça nous rapproche un peu du bruit des glaçons, ça peut-être, non ? Un peu, oui. On raconte en effet cette anecdote, mais plus qu'à la vérité, disons que la légende est jolie. Oui. Quel foreur n'a-t-il pas fait fondre de la glace de glacier juste pour entendre le crépitement des bulles qui sont sous pression et qui explosent quand la glace fond. Ça fait un petit crépitement qui est caractéristique. Donc on savait que la neige, en se comprimant, enfermait de l'air et donc contenait un échantillon d'atmosphère passée. Mais dans les années 70, on n'avait pas encore développé la technique pour déterminer, pour mesurer le CO2. On était plus intéressé par le volume d'air que de la glace, ce qui permettait de remonter l'altitude à laquelle se formait la glace, et puis également par le CO2, mais pour le carbone 14, car on espérait dater la glace avec la méthode carbone 14. Malheureusement, la technique carbone 14 ne s'est jamais appliquée à la glace. Il fallait trop de glace pour cela. Mais si vous voulez... moi, ce que je préfère retenir dans Lorius, c'est son rôle vraiment de meneur d'hommes, de manager, de pédagogue qu'il avait à ce moment-là, et surtout de diplomate et de visionnaire qu'il a été en 1990 au sujet des impacts des activités humaines. Mmh. Et si vous voulez, cet aspect-là a été reconnu dans la communauté scientifique internationale, et puis il a été décoré pour cela d'ailleurs. Et puisque vous parlez, ce grand mérite. Puisque vous parlez de la dimension humaine, un petit détour quand même sur ce qui nous frappe dans cette histoire, c'est la coopération entre scientifiques de pays qui n'étaient pas ouvertement belligérants, mais étaient quand même en état de belligérance larvée, hein, les Soviétiques et les Américains. Et puis tout ce beau monde se retrouve et ça transcende tout cela. Est-ce que vous parliez entre vous de politique, de géopolitique, de vos pays respectifs ? Eh bien, on connaît nos différences, on savait que nos pays avaient des vues différentes, mais en Antarctique, si vous voulez, les humeurs politiques des nations n'ont pratiquement pas d'empreinte. Et on a beaucoup d'autres soucis à résoudre sur le terrain, surtout quand vous êtes dans un site comme Vostok, simplement pour survivre ou pour conduire le programme scientifique. Ces affaires, disons, politiques passent vraiment au deuxième plan et ils n'étaient jamais abordés. Je me suis fait des amis en 1984, je les ai toujours. Bon, alors sur le plan humain, donc ça reste quand même fort. On va écouter une archive ensemble. On va écouter sur ce point-là d'ailleurs, le témoignage du grand Paul-Émile Victor. Toute la conquête de l'Antarctique, qui a été intensifiée depuis l'année géophysique 1957-58, a abouti finalement à quelque chose d'unique dans l'histoire de l'homme. Jamais avant ça ne s'était produit, et ça ne se produirait probablement jamais. Plus jamais, parce qu'il n'y aurait pas d'autres endroits où ça puisse être. Une collaboration entre les hommes totale. Une chaleur humaine entre les différents participants scientifiques ou techniciens, quelle que soit leur idéologie politique, que ce soit des bases soviétiques, des bases américaines, des bases françaises, des bases australiennes, des bases argentines. Il n'y a pas là la moindre place, en tout cas depuis l'année géophysique internationale et la coopération qui y s'ensuit, il n'y a pas là la moindre place à des mesquineries humaines telles qu'on les a ailleurs. Et c'est une des choses indescriptibles, tellement c'est formidable. Oui, c'est tellement formidable d'ailleurs qu'on a vu ça aussi lors de la conquête de l'espace dans la période post-Apollo, où soviétiques et américains ont travaillé de concert. Voilà comment la science transcende la politique. On va revenir à la science. Comment vous travaillez ensuite en laboratoire avec des échantillons? Comment, à partir par exemple d'une carotte de glace, on peut obtenir des informations sur le climat? Mais alors, pour le coup, en laboratoire? Alors, si vous voulez, la température est tirée de la composition isotopique de la glace, l'oxygène 18, l'oxygène 16, le deutérium, l'hydrogène, et ces éléments varient en fonction de la température, donc on est capable de la reconstituer. La composition de l'atmosphère, le méthane, le CO2, l'oxygène, l'azote, les oxydes d'azote, sont tirés des bulles. On retrouve des empreintes des ambres marins par le sel de mer, celle des volcans, des sulfates, des poussières, on trouve des tas de choses. Et l'empreinte de l'activité solaire ou des rayons cosmiques, et c'est vraiment un véritable trésor d'informations qui est piégé dans ces glaces. Alors typiquement, une carotte de glace, quand elle sort du glacier ou ensuite du carottier, elle est coupée en quatre. Il y a une partie qui est réservée pour les analyses futures, donc on ne la touche pas et elle reste stockée en Antarctique. C'était le cas pour la carotte épicale. Un quart sert à mesurer les isotopes, la température, et retracer l'activité solaire, un quart sert pour les mesures chimiques, les poussières, les gaz, un quart sert aux mesures particulières qui demandent un volume important de glace, comme étudier les polluants ou les couches de cendres. Alors les techniques modernes nous permettent maintenant de faire des mesures en continu. Typiquement, on mesure chaque millimètre de glace que l'on avec différents appareils et on peut tirer une cinquantaine d'éléments chimiques par millimètre de glace. Donc imaginez sur un forage de 3000 mètres, on retire la base de données énorme, des millions de données. Est-ce qu'on peut dire que, alors, on va en arriver à un point très important, le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut dire que c'est au moins en partie, hein, grâce à cette coopération et aux expérimentations qui se sont déroulées à Vostok, on est arrivé à déterminer le réchauffement climatique? Alors, Vostok a fait un big bang scientifique dans la communauté, parce que après cette campagne de 84-85, il y a eu trois articles qui ont été publiés dans la revue Nature, et donc qui a donné vraiment les lettres de noblesse à la glaciologie et aux carottes de glace. Et pour la première fois, on avait la preuve que le climat sur 150 000 ans et le CO2, le principal gaz à effet de serre, étaient liés. Et les changements entre climat chaud et climat froid sont initiés par les variations de l'orbite terrestre, et ça, ce sont les géologues qui nous l'ont dit, mais ces changements initiés sont amplifiés à peu près d'un facteur 2 par les variations du CO2 qui, lui, passe de l'atmosphère à l'océan. Et pour la première fois, on voyait que le cycle du carbone et le climat étaient liés. Et les océanographes, qui étaient les maîtres en paléoclimatologie, recherchaient un petit peu cette preuve et la glace le rapportait. Et c'est ça que Vostok a révélé. Le climat et le CO2 sont liés physiquement. Et ensuite, en 1990, donc un article signé par Lorius et des physiciens d'atmosphère ainsi que des modélisateurs, dont Jean Jouzel, Dominique Reynaud, Jim Hansen, le directeur de la NASA, Hervé Le Trout, qui est directeur du laboratoire de météorologie dynamique et impliqué dans le GIEC, évaluait déjà en 1990 les conséquences de l'augmentation du CO2 due aux activités humaines, avec l'effet d'amplification à l'appui. Et si vous voulez, on est en 1990, le GIEC a été formé en 1988, le GIEC a suivi, Vostok a été vraiment au centre des premiers rapports du GIEC, mais toutes les réunions suivantes n'ont fait que confirmer, et on sait que à ce jour, avec la COP21 qui s'est terminée l'année dernière, la COP22 qui vient de se terminer, que les conséquences du réchauffement climatique sont bien réelles. Donc les prévisions qui avaient été annoncées en 1990, elles sont en passe de se réaliser. Et vous, le scientifique, avec cette expérience-là, à la fois théorique et de terrain, comment ressentez-vous ce débat sur le réchauffement du climat qui tourne quelquefois à la guerre de religion et qui se conjugue sur le mode des croyances et non pas des convictions rationnelles et scientifiques? Et maintenant, ceux qui n'y croient pas, voilà, c'est comme une croyance. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Moi, je me réfère, disons, à ce que l'on observe. Ce qui est observé tous les jours dans les évidences donc des changements climatiques, je m'en tiens ici, et il n'y a que ce que je vois, que je crois. En tant que bon scientifique, en 1999, Vostok a fait de nouveau la une de l'actualité. On a découvert qu'il existe un lac souterrain de la taille de la Corse sous la station de recherche. Alors, bon, ça fait un peu rêver, mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et puis comment aussi on peut protéger cela? Après tout, voilà, il y a des hommes sur ce trésor naturel. Faut aussi protéger. On peut chercher, mais faut aussi protéger. Oui, bien sûr. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Plus de 400 lacs sous glaciaires ont été détectés en Antarctique. Et le hasard a voulu que le plus grand, donc, se trouve sous la station de Vostok, là où les Russes avaient déjà foré jusqu'à 3600 mètres. Et le lac se trouve à 3769 mètres sous la station. Et la recherche de signatures de vie dans ce milieu extrême, parce que c'est vraiment une masse d'eau immense, c'est 30 fois le lac Léman, hein, qui se trouve sous 4000 mètres de glace, qui elle se trouve à 0 degré, qui est privée de lumière, formée d'eau de glacier, donc extrêmement pure, très peu d'éléments nutritifs, isolée de notre environnement depuis des millions d'années, est un objectif scientifique qui motive les biologistes et en particulier les exobiologistes, ceux qui pensent qui sont en quête de savoir si une vie existe ailleurs que sur Terre. Tiens donc, c'est intéressant. Et donc l'analogie a été rapidement faite. Et les Russes donc affichent un petit peu cet objectif, rechercher cette vie dans un milieu extrême. Et ils ont l'intention de forer jusqu'au lac. Alors jusqu'à présent, ils ont déjà atteint le lac par trois fois. Mais les foreurs ont pris soin de créer une dépression entre le trou, la pression du trou et la pression du lac, si bien que quand ils ont débouché dans le lac, eh bien c'est l'eau du lac qui est rentrée dans le trou, qui est rempli de fuite de forage, et non l'inverse. Et l'eau, en rentrant dans le trou de forage, s'est regelée. Donc le trou s'est fermé immédiatement. Pour l'instant, on a bonne chance de croire que le lac n'a pas été contaminé par ces opérations. Ah ben c'est très bien, et ce sera le mot de la fin, Jean-Robert Petit, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Merci infiniment, en tout cas, pour tous les éclairages que vous nous avez apportés. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le projet Vostok, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous vous raconterons, je vous en dis pas plus, c'est la surprise, l'histoire des extraterrestres. Mais oui,